le village dormait sous un voile de mariée. Brumes et toits d'épousailles et l'aube couvaient l'été. Qui dirait du haut de la colline que les gueux roulent en chaumine, la peur du jour des lendemains. Quand le village dormait sous un voile de mariée, brumes et toits d'épousailles et l'aube couvaient l'été. Et le vent vint du ponant garder les laines d'été, fruits et fleurs de semailles. Le tocsin de la guerre menait alors les champs de la terre à bord des temps sans lendemain. Quand le vent vint du ponant garder les laines d'été, fruits et fleurs de sommeil et l'eau. Grinçait des dents sur le seuil de reposer, cris et pleurs de bataille, et l'aube trempait l'épée. Qui eût dit que pareille tendresse couvait alors noble détresse, des guerres du jour nées du matin. Quand le jour grinçait des dents sur le seuil de reposer, cris et pleurs de bataille, et l'aube trempait l'épée. Sous ton seul dais d'étoiles, toi qui dors à ciel ouvert, sais-tu le soleil qui dévoile le dieu fourchu des enfers? Tu diras qu'au matin des chaumières, les gueux se levaient pour la guerre, l'âme en tambour, l'œil en chagrin. Sous ton seul dais d'étoiles, toi qui dors à ciel ouvert, sais-tu le soleil qui dévoile le dieu fourchu des enfers? C'est bien le soleil qui dévoile de la guerre. marche au flambeau vers la pluie de pierre. Les diamants feux de la nuit et la peur du dedans. Des montagnes au beffroi entendra le glas des lumières.